Yes, play Miami Vice. Fais-toi plaisir. Ah oui, c'est toi qui es là. Ah ouais, celle-là, je l'enregistre. Hein. Celle-là, je la récupère, celle-là. Si on m'avait dit qu'un jour, il y aurait un mec qui jouerait du Miami Vice, j'aurais pas cru. bien que les fans de Miami Vice qui peuvent comprendre. Tio. Et Mr. K-Dud. Un jour, il faudrait que tu me fasses celle de Valérie. Là. Tu la connais celle-là? Chanson, bah, c'est sur dans Miami Vice, The Song for Ricardo Tubbs. Non, c'est ça, c'est sa copine qui s'appelle Valérie. Valérie, quoi.